réveille en vous le mot tweet samedi. Zoémorphe et autoclimax. Repris de jeu Chris, errement de neurones et crissement d'oreilles. Cerise et groseille en tisane. Foin du moteur en bourdon. Aliborou, mémoire d'âne. Tout près de chez Dupont, j'ai vu naître l'autre Dupont. L'échographie des passions de l'âme. Jamais l'opéra d'Opfra ne fera son cirque en hiver devant les millions d'étoiles au plumage magnifique. Elles envoient des ramages aux sétis brouillés par la censure physique et le crachat mystique des galaxies lointaines à la fête foraine des ions, des photons et des méridons. Chanter n'est pas sauter, sauf fourmis et chatouillis et auto-gribouillis. Les quantas kangourous, mon adoré gourou, les cassards et les pulsars pincent à grands bonds de démons sarcastiques dans le désert cathodique.